tout ça n'a pas d'importance. Faut prendre l'existence sans faire de différence, tu sais. Et quand on te tend la main, sois l'ami qu'on voudrait bien. Regarde un peu autour de toi, épargne-nous ton dédain. N'essaye pas de faire la loi pour ces mots, pardonne-moi. Moi, je ne sais plus très bien où est le mal, où est le bien. Pas d'importance, faut prendre l'existence sans faire de différence, tu sais. Chaque jour amène son pain et chaque nuit son chagrin. Tu peux les compter sur les doigts. Gens qui te veulent du bien, ils sont comme des chiens, ils aboient, mais ils ne te mordront pas. Moi, je ne sais plus très bien où est le mal. Ça n'a pas d'importance, faut prendre l'existence sans faire de différence, tu sais. Enfant, ta naïveté te fait dire la vérité. Si tu cries les mots que tu crois, t'écoutera pas. Tu as choisi ton chemin de croix. Ne te décourage pas. Non, moi je ne sais plus très bien où est le mal, où est le bien. Ça n'a pas d'importance, faut prendre l'existence sans faire de différence. Ça n'a pas d'importance, faut prendre l'existence sans faire de différence. Ça n'a pas d'importance.